Bonjour tout le monde, c'est Luc du podcast Auto. Alors voici une autre compilation de deux chroniques que je fais avec Jean-Benoît Gagné tous les jeudis matins à 7h34 à CILE-MF à Havre-Saint-Pierre. Dans la chronique numéro 11, on parle de la Chevrolet Volt. Il est encore 7h34 avec nous pour parler voiture, parler bagnole, Luc Desormeaux. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. Luc, sincèrement, là, cette semaine, je t'envie. Tu sais, il y a des fois certaines bagnoles, tu te dis, me semble que je suis en train de tester ce que l'avenir nous réserve. Et cette semaine, tu as eu la chance de tester la Volt de Chevrolet. Mais on commencera pas avec ça. Une petite nouvelle intéressante qui risque de chambarder un peu le domaine de l'automobile en Amérique du Nord, du moins aux États-Unis, c'est sûr que ça aura un impact. Suzuki qui déclare faillite là-bas. C'est ça, Suzuki qui a décidé d'arrêter de vendre des autos aux États-Unis parce que c'est juste pas viable pour eux autres. Le marché est pas assez gros. Faut dire que Suzuki a pas nécessairement beaucoup de modèles intéressants à offrir non plus à comparer à la compétition, à part peut-être le Vitara puis la Kizashi, qui est quand même une berline qui a un peu d'allure, là. Mais c'est ça. Suzuki a décidé d'arrêter de vendre des autos aux États-Unis. Ils vont honorer les garanties quand même. Donc, les propriétaires de Suzuki vont pouvoir continuer à faire réparer leur auto sous garantie. Ça semblerait pas affecter le marché canadien. Donc, au Canada, on devrait continuer à avoir des Suzuki sur la route. Puis, ça devrait pas nous affecter. Là, mais ça va être l'avenir qui va nous le dire. Parce que normalement, quand un constructeur quitte les États-Unis, ça reste pas au Canada tellement longtemps après ça. Le marché pas assez gros pour que ça vaille la peine d'importer des autos dans ce temps-là. Ah non, on le voit là, c'est ça qui arrive quand Véronique Cloutier lâche une marque. Hein? C'est peut-être ça, oui. La Volt maintenant, passons aux choses sérieuses. Je t'envie, Luc, je viens de te le dire, cette semaine, tu es en train de tester la bagnole du futur, mais au goût du jour actuellement. Ça ressemble à quoi la Volt? Qu'est-ce que ça offre comme performance? Écoute, c'est une voiture qui m'impressionne. Là, je veux pas sonner comme un vendeur de chez GM, là, mais la Volt m'a vraiment, vraiment conquise cette semaine. Je te dirais que si j'aurais une auto à aller m'acheter demain matin, je pense que j'irais vraiment la regarder, puis je pense que ça serait pas dur de m'en vendre une. Bon, en partant, c'est quoi une Volt? Ben, c'est une berline 4 portes à haillons, donc ce qu'on appelle communément un hatchback. Le prix de départ est quand même assez élevé. On parle là, avec transport, préparation et taxes climatiseurs, on parle de 43 335. Donc, c'est pas une voiture qui est donnée, mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est que le gouvernement du Québec donne un rabais d'environ 7 900 sur l'auto. Donc, il faut enlever ce prix-là sur le prix total de l'auto. Donc, ça nous amène à un auto qui est en bas de 40 000 avec les rabais et tout ça. Tu le modèle que je conduis présentement est 48 030, mais là, j'ai vraiment l'équipement complet, les sièges en cuir chauffant, puis les détecteurs de collision, puis d'assistance au stationnement, puis j'ai vraiment beaucoup d'équipement dessus. La performance, ça se conduit comme une auto régulière. La Volt est basée sur la plateforme de la Chevrolet Cruze. Donc, si vous vous demandez quelle grosseur ça a, c'est à peu près la même grosseur qu'une Chevrolet Cruze. Sauf que c'est beaucoup plus profilé pour l'aérodynamisme, là, parce qu'on veut que ça prenne le moins possible dans le vent pour économiser de l'énergie pour le moteur électrique. Ça a un moteur électrique de 150 chevaux avec 273 livres-pieds de couple. Donc, c'est un moteur électrique. La puissance est pas là. Quelques secondes après qu'on appuie sur l'accélérateur, elle est là tout de suite. C'est vraiment instantané et c'est vraiment puissant comme puissance là, au démarrage. Quand on part d'un lumière rouge ou d'un stop, on le sait que c'est puissant, mais c'est pas excessivement rapide. Là. C'est pas une auto qui va faire le 0-100 en 4 secondes. C'est à peu près 8,5-9 secondes, le 0-100. Ouais, c'est correct. Je veux savoir, Luc, quand on conduit ce genre de bagnole-là, c'est pour dépenser le moins possible d'énergie, faire la plus grande distance. Comment est-ce qu'on aide le conducteur à justement modifier ses habitudes de conduite, avoir le pied moins pesant? Est-ce qu'il y a des indicateurs, est-ce qu'il y a des aides à la conduite de ce genre-là? Oui, c'est vraiment bien fait. Directement en avant de nous, bon, premièrement, la Volt n'a pas de cadran analogique, là, des cadrans à aiguilles, ça existe pas. Dans l'auto, il y a deux écrans LCD de 7 pouces, un pour la vitesse qui est directement en avant de nous, puis toutes les informations qu'on peut avoir de besoin, plus un écran pour le système de divertissement. sur le système, l'écran principal qui est directement en avant du volant, là, où ce qu'on aurait nos cadrans habituellement, on a la jauge à essence, la jauge à énergie électrique. On a notre vitesse et puis à droite, on a un indicateur. C'est comme une échelle avec une boule au milieu. On a une boule bleue, vide, puis on a par-dessus ça, on a une boule qui ressemble à une boule de cristal avec des feuilles qui voleraient dedans. C'est une boule verte avec des feuilles qui volent dedans. Puis ça nous indique notre habitude de conduite. Si on accélère trop vite, la boule monte vers le haut puis attend à changer vers le jaune. Si on freine trop vite, elle descend vers le bas puis à change de couleur aussi un peu. Donc, ça nous amène à essayer de conduire, mettre la boule dans l'autre cercle pour garder notre flot d'énergie le meilleur possible. On a aussi sur l'écran principal où on a la radio, puis on peut configurer la climatisation pour ces choses-là. On a un système qui peut nous montrer en temps réel notre style de conduite, s'il est écologique ou pas. Comme ce matin, je m'en venais, ma conduite était à peu près à 85% écologique. Quand hier, en me retournant chez nous, j'ai réussi à avoir le 100% écologique. Fait que ça nous dit que tu peux pas vraiment conduire mieux que ça pour économiser ton énergie puis utiliser l'auto à son maximum. Fait que c'est vraiment bien, on peut voir puis changer nos habitudes avec ces deux systèmes-là. Là. C'est vraiment le fun à utiliser aussi. Est-ce que tu as remarqué là, une différence dans ta façon de conduire par rapport aux autres? Tu sais, toi, tu as une voiture qui t'indique comment être, tu sais, utiliser au maximum ton énergie, comment être écologique, te rendre le plus loin possible avec ce que tu as comme énergie en réserve. Est-ce que tu te rends compte que les autres conducteurs, eux, c'est pas ça partout, là, puis on n'est pas tout à fait sur la coche? Ben, avec un moteur à essence, je veux dire, on est peut-être plus porté à accélérer rapidement. On n'a pas nécessairement toutes ces indications-là non plus quand on conduit un moteur à essence. On fait pas nécessairement attention à ça. La Volt, c'est quand même moins pire parce qu'avec son moteur électrique, bon, elle a un moteur à essence pour recharger la batterie si jamais on dépasse la limite d'autonomie qu'on avait. Donc, la batterie se recharge et on peut continuer. On n'a pas vraiment de limite tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Mais une voiture à essence, je veux dire, on n'a pas ces indications-là. Ça serait encore plus critique pour une voiture purement électrique qui n'a aucun moteur d'appoint parce que là, si on peut dire si tu conduis en malade puis tu vides ta batterie en dedans de, je sais pas, 60 km au lieu du 100 km que tu pourrais avoir, ben là, c'est toi qui es dans, c'est toi, tu te mets dans le trouble parce que, je veux dire, il y a pas des bornes de charge partout pis ces choses-là. Fait que c'est sûr, quand tu conduis un véhicule électrique, t'as pas le choix d'adapter ton style de conduite pour économiser ton énergie. Puis je veux dire, c'est pas méchant parce que ça t'évite de rouler 130, 140. Normalement, la norme que la Volt a l'air à vouloir tolérer comme étant une conduite écologique, c'est entre 95 et 105 km/h. Elle va laisser la boule dans la bonne section. Si on dépasse ça, ben là, ça va jouer un peu parce que ça nous montre qu'on dépense plus d'énergie qu'on devrait là. OK, c'est bon. Donc, on n'est pas des petits escargots là, à la traîne par non. rapport aux autres. Là. On est dans non, le même non, non. On est dans le même flow. Je non. veux savoir tes impressions positives, négatives envers cette voiture. Moi, c'est clair que avec l'utilisation que j'en ai fait cette semaine, juste pour donner un exemple, j'ai pris une photo de l'indicateur de l'odomètre de voyage que j'ai mis à zéro quand j'ai ramassé l'auto lundi en début d'après-midi ou en fin de matinée. Là. À date, j'ai fait 327,2 km. OK? Mm-hmm. J'ai dépensé 2,9 litres d'essence pour une moyenne de 0,9 litres au 100 km. Tabarouette! C'est impressionnant. OK. Je fais 54 km par jour, 54 km aller, 54 km retour pour me rendre et revenir du travail. Ce matin, j'ai parti avec une jauge pleine qui me disait 61 km d'autonomie électrique avec le trafic, parce qu'il y a un mode super intéressant sur la Volt. Il y a les sur le levier de vitesse, il y a comme d'habitude, on a le P pour le park, on a D drive, neutre, on a reculons, mais on a aussi un L. Le L, c'est ce que ça fait. C'est l'eau. Le L, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt qu'on lâche l'accélérateur, l'auto applique le système de régénération d'énergie et va freiner pour toi. Fait que si tu anticipes que l'auto en avant va arrêter, tu peux tout simplement relâcher l'accélérateur, l'auto va ralentir tout seul, aider à recharger la batterie puis donner d'énergie au moteur. On peut faire ça pour arriver à un stop ou faire ça arriver à une lumière rouge. Si on anticipe comme ça puis on change nos habitudes de conduite, je suis arrivé un matin, j'ai fait 54 km, je peux pas faire moins pour venir travailler. Il me reste 15 km d'énergie dans ma jauge. Alors que tu en avais pour 60 et quelques. Quand je suis parti. Donc, en changeant le mode de conduite et tout ça, c'est sûr que présentement, il fait plus froid. Donc, faut que le moteur à essence, le moteur thermique parte de temps en temps pour réchauffer le système parce que les batteries sont réchauffées et refroidies au liquide. Il y a du liquide qui va alentour des batteries pour les garder à une température optimale. Donc, c'est sûr que peut-être ça joue un peu. Ça recharge un peu la batterie aussi pendant que le moteur part pour conditionner le système, là. Mais il me reste quand même 15 km dans la jauge. Puis pour les gens qui disent « Ah oui, mais une voiture électrique, ça doit coûter cher à charger. » ça coûte environ 1$ partir d'une pile vide, d'une batterie vide à une batterie pleine. C'est à peu près 1$, aux alentours d'un dollar à charger. Wow. C'est pas cher. Wow, très impressionnant. Ça donne le goût de dire au gouvernement, vite, dépêchez-vous à mettre des bornes et des rabais à l'achat intéressants. Puis ouais, on change tout vers ce genre de bagnole-là. Ouais, ben les rabais à l'achat sont là. Comme là, si vous allez voir, tapez sur Google « Véhicule électrique Québec », il y a un site, je pense que c'est véhiculeélectrique.gouv.qc.ca, où il y a chaque voiture électrique vendue au Québec, les rabais qui sont associés. Il y a aussi des rabais pour les bornes de recharge à la maison, parce que vous pouvez vous acheter une borne de recharge de 240 volts qui va charger l'auto en 4 heures. Moi, à date, j'ai pas nécessairement eu besoin. Je suis pas parti un matin ou parti un soir du travail avec une charge à moitié. J'ai toujours été presque plein ou plein. OK. Fait qu'en 8-10 heures, on réussit à charger l'auto à une capacité assez pour que moi, je puisse me rendre jusqu'à la maison, là. Donc, il y a plein de rabais. Donc, si vous avez une auto électrique à vous acheter, si vous magasinez ça, c'est le temps cette année, l'année prochaine, parce que les rabais vont diminuer jusqu'en 2015. Puis en 2015, je pense que les rabais vont soit disparaître ou le programme va être revu. Donc c'est le temps. Puis la Volt, je veux dire, je veux pas sonner comme un fanboy, comme on dirait, là, mais je suis vraiment tombé en amour avec cette semaine. C'est vraiment une voiture incroyable. Donc chapeau à GM pour le travail qu'ils ont fait. Là, c'est vraiment une voiture impressionnante. Puis quand la voiture a été annoncée en 2009, il y avait plein de magazines automobiles américains qui disaient cette voiture-là verra jamais le jour. GM essaie de battre les tambours puis attirer l'attention sur eux autres pour avoir de la visibilité, puis ça sortira jamais. Ils sont pas capables de le sortir dans les temps promis. Puis ils l'ont fait, ils l'ont sorti en 2010 comme ils avaient dit, puis ça fonctionne super bien depuis la première journée, là. Donc, chapeau. Merci beaucoup, Luc. Est-ce que tu vas produire une critique vidéo de cette voiture? Bien sûr, je vais faire ça en fin de semaine. C'est une voiture qui vaut la peine de prendre son temps pour donner une belle revue de l'auto, parce que c'est vraiment impressionnant, là. C'est quelque chose à essayer. C'est partir de chez vous le matin, puis entendre rien du tout quand tu commences à avancer. Pas de bruit de moteur, pas de vibration, rien, le silence plat. C'est même déstabilisant au début. Ouais. Donc, quand la vidéo sera disponible sur YouTube et le podcast automobile, fais-nous signe et je mettrai ça en lien sur la page Facebook de la radio CIELA. Je pense que c'est intéressant d'amener les gens à avoir un petit peu plus de connaissances et apprendre à connaître ce produit-là. Parce que dans un avenir rapproché, ça aura l'emprise sur le marché. Je suis pas mal convaincu que c'est vers ça qu'on s'enligne. Oui, il y a même deux autres voitures qui s'en viennent avec cette technologie-là. La ELR qu'on parlait, la Cadillac ELR qu'on parlait, je pense, la semaine passée. Et puis, il y a la nouvelle petite Chevrolet Spark qui est plus petite encore que la nouvelle Sonic qui viendrait avec ce système-là. Puis là, on parle, là, j'ai pas fait les calculs, mais il parle de 100 000 d'autonomie, donc à peu près 160 km d'autonomie sur une charge. On commence à parler, là. Ouais, merci beaucoup, Luc. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Bye. 7h48 minutes, c'était Luc Desormois avec sa chronique sur la Volt de Chevrolet. Très impressionnant. Donc, dès qu'on aura sa chronique vidéo, on va vous présenter ça sur la page Facebook de la radio CIELA dans les prochains jours. Alors, dans la chronique numéro 12, on parlait de Mazda qui va construire une voiture pour Toyota, de Chevrolet qui va nous présenter la Chevrolet Spark électrique au salon de Los Angeles, de la Tesla Model S, qui est nommée voiture de l'année selon Automobile Magazine et Motor Trend, d'une Honda Civic 2013 qui sera légèrement rafraîchie pour le salon de Los Angeles aussi, et GM qui planifie avoir 500 000 véhicules avec un certain système d'électrification d'ici 2017. C'était la formation Goodwill avec la Dev's Take You Higher. Il est 7h33 pour parler automobile avec nous, Luc Desormeaux. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. On débute tout de suite ce tour de l'actualité en parlant de Mazda qui va jouer un peu les sous-traitants pour Toyota puisqu'ils vont construire une voiture pour eux. Ouais, c'est ça, mais il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine comme quoi Mazda allait construire une nouvelle auto que Toyota va mettre en marché. Ça va être construit à l'usine, la nouvelle usine que Mazda est en train de construire au Mexique. La nouvelle voiture, elle va être basée sur la petite Mazda 2, ou si vous connaissez aussi la Ford Fiesta, là, c'est pas mal la même grosseur de voiture, c'est pas mal la même auto aussi, là, mais ça va être basé sur la Mazda 2, qui va commencer à être produite à l'été 2015, puis ils vont en faire environ 50 000 unités par année. Puis la nouvelle voiture, ben, va être vendue principalement en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, puis va être vendu ben, chez les concessionnaires Toyota. On voit Toyota, on dirait qu'ils rouvrent un peu le marché où ils essayent de s'associer avec des gens. Ils se sont associés, il n'y a pas longtemps, aussi avec Subaru pour créer la Sion FRS ou la Toyota GT86 en Europe, là, qui est la même auto. Puis Subaru ont la BRZ de leur côté. Donc, on dirait que Toyota essaie de s'associer avec des gens pour construire des autos avec eux maintenant. Là. C'est un peu... ça fait changement. Est-ce qu'on prévoit du côté de Mazda d'utiliser comme la même plateforme pour développer une autre voiture, un peu comme on a déjà vu là, deux marques qui ont la voiture presque identique? Ben c'est basé déjà sur la Mazda 2 que Mazda fait, donc je pense pas que Mazda va sortir une troisième voiture là-dessus. Quoique, il y avait des rumeurs que Mazda sortirait peut-être une Mazda 1, qui serait vraiment une plus petite voiture encore, là, mais ça c'est juste une rumeur que j'ai vu passer. J'ai rien de confirmé là-dessus, mais ça pourrait être encore plus petit que la Mazda 2. Une genre de Smart là, pour seulement deux passagers, mais vraiment miniature là. Ben peut-être un quatre passagers quand même là, mais peut-être encore plus rétréci, peut-être quelque chose comme la Chevrolet Spark là, quelque chose de plus petit encore. Je sais pas, comme je t'ai dit c'est une rumeur, j'ai vu passer, mais j'ai aucun détail sur l'auto encore. Je sais même pas si c'est vraiment une vraie rumeur ou juste quelque chose que quelqu'un a lancé comme ça dans les airs puis que ça a aucun fondement là. Une vraie rumeur ou une fausse rumeur, hein, on ne sait pas. Chevrolet, parlant de la Spark justement, une toute électrique qui serait présenté au salon de Los Angeles. C'est ça. On avait parlé la semaine passée quand on parlait de la Volt. Je donnais quelques autos qui allaient sortir avec des systèmes électriques. J'avais parlé de la Cadillac ELR, puis j'avais parlé de la Chevrolet Spark. Mais dans l'erreur ou dans ce que j'avais lu, la Chevrolet Spark était supposée avoir le même système d'entraînement que la Volt, donc un moteur à essence et un moteur électrique. Mais non, ça va être une voiture totalement électrique. Puis la première cible de cette auto-là, c'est la Nissan Leaf. Elle devrait être présentée au Salon de Los Angeles qui est du 30 novembre au 9 décembre. La Spark va être complètement électrique. Comme je disais, il n'y a pas de moteur à essence dedans. Ça va être seulement une voiture électrique qui va probablement avoir aux alentours de 160-180 km d'autonomie. Donc c'est une auto. Chevrolet essaie vraiment de sortir des autos de plus en plus d'autos électriques. Il va y avoir d'autres modèles aussi qui vont sortir avec une forme d'électrification là. Puis elle devrait être mise en vente au courant de l'année prochaine. C'est une auto que je vais regarder avec beaucoup d'attention parce que les autos électriques c'est quelque chose qui commence à m'intéresser de plus en plus depuis mon essai de la Volt. Ouais, je te lisais sur les réseaux sociaux où est-ce que tu disais, c'était avec un petit pincement au cœur que je te l'ai reporté la Volt de Chevrolet. T'aimais ça pas mal. Ouais, pas un petit, un gros pincement. Mais c'est quand même, j'étais quand même plus heureux d'avoir été la reporter parce que mardi matin, je me suis fait tamponner sur l'autoroute, donc j'étais content de plus avoir un auto qui n'était pas en moi. Mais oui, la Vol, c'est vraiment une voiture d'exception, là, c'est vraiment spécial. Donc oui, ça m'a fait un pincement au cœur, mais ça a prouvé que la voiture électrique comme ça peut fonctionner très bien aussi. Là. Moi, j'ai vraiment adoré. Parlant de voiture d'exception, Tesla, qui c'est un constructeur qui est peu connu, peut-être pour les gens qui sont pas amateurs de véhicules, mais qui offre des produits de nouvelle génération, vraiment. Là, on s'en va vers l'électrification de ce côté-là aussi. Et selon le magazine Motor Trend, ils ont la voiture de l'année 2013. C'est ça. Tesla a été connu au début pour son petit Tesla Roadster, qui était finalement basé sur le châssis d'une Lotus avec moteur électrique. C'était très bien. C'est une voiture qui était excessivement rapide. C'est une voiture de sport. Ça a été vraiment un gros succès envers les gens. Bon, plus riche, là, parce que ça se vendait aux alentours de 100, 150 000, si je me rappelle bien. Mais ça fonctionnait très bien. L'autonomie était très bonne. Donc, Tesla qui est parti sur la base qui avait déjà un bon système électrique pour sortir finalement une berline 4 portes. Donc, la Tesla Model S, c'est une voiture qui est 100% électrique. Encore pas de moteur à essence dans celle-là. C'est vraiment seulement électrique. Son prix de base est 65 000 $. Puis, c'est ça, Motor Trend a décidé de lui donner le prix de voiture de l'année pour 2013. Donc, c'est la première voiture électrique depuis les 64 ans du magazine à avoir été nommée voiture de l'année. Donc, c'est une première de ce côté-là aussi. Puis, la Model S, de base, a un moteur électrique de 362 chevaux et 325 livres-pieds de couple. Puis, il y a une version de plus de performance là, qui a un moteur de 416 chevaux, 443 livres-pieds de couple. On peut acheter la Tesla avec trois ensembles de batteries différents, soit une 40, une 60 ou une 85 kWh, donc de plus de puissance, qui donne une autonomie de 225, 320 ou 426 km respectivement. Motor Trend l'a essayé, la Tesla, puis ils ont fait beaucoup de millage avec, puis ils se sont rendu compte que les chiffres sont peut-être un peu exagérés, mais c'est pas si loin que ça. Donc les chiffres de 225, 320, 426 sont presque atteignables. Donc ça commence à avoir de l'allure pour une auto électrique faire des distances comme ça avec là. C'est là qu'on voit où est-ce que la technologie est rendue, parce que les gens qui ont beaucoup d'argent sont capables de se payer des voitures avec des technologies plus avancées, mais ça nous montre vraiment le futur de des voitures électriques que le commun des mortels pourra se payer. Et côté design là, je regardais le modèle S de Tesla, là, la voiture que tu nous parles, ça ressemble beaucoup au Jaguar XF et XK, ça ressemble vraiment beaucoup là, en termes de design et en termes de coupe, très très joli. Oui, c'est très beau. Puis si vous avez la chance, allez voir l'article sur Motor Trend, là, qui parle de c'est sûr c'est en anglais, mais il parle de la voiture de l'année, puis il montre des vidéos à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur est vraiment incroyable. La console centrale, c'est pas comme un iPad, c'est comme presque trois iPads un à côté de l'autre, tellement que c'est grand. Tout se contrôle par écran tactile. C'est vraiment magnifique. Là. Très impressionnant. Parlant de voitures électriques, il y a GM qui prévoit pour 2017 avoir un 500 000 de voitures vendues électriques. Oui, GM qui a vraiment, GM peut vraiment devenir le constructeur le plus vert. Donc, avec la Volt, avec la Spark qui s'en vient, avec la Cadillac EL-R qui s'en vient aussi. Ils veulent sortir aussi des systèmes capables d'électrification légère. Donc, assistance électrique, pas nécessairement un moteur totalement électrique, mais de l'assistance pour peut-être dans le trafic et des choses comme ça. Donc, il y a des modèles qui s'en viennent bientôt comme la Buick LaCrosse, la Buick Regal, la Chevrolet Malibu, qui vont avoir un système d'électrification, donc peut-être des petits moteurs pour aider à avancer dans le trafic, ou au moins pour récupérer l'énergie au freinage. Puis une des premières autos qui va avoir ça commercialisé, ça va être la nouvelle Impala 2014 qui va sortir au début de l'année prochaine. Le système, GM appelle le système E-Assist. Donc je vais regarder un peu plus sur exactement ce que ça va faire, le système E-Assist, mais ça a l'air être de l'assistance quelconque en récupérant de l'énergie, ou un deuxième moteur électrique, un peu comme comme la Volt a dedans, un moteur électrique plus moteur à essence, mais peut-être moteur à essence va être le principal et le moteur électrique va être vraiment comme deuxième au cas où, pour assister dans les au départ ou dans le trafic, là, un peu comme la Prius ou des choses comme ça. Donc ça va être à voir. Et je suis en train de me dire, parce que je sais le dernier sujet qu'on veut aborder ensemble, je suis en train de me dire, parler d'une voiture à gaz, c'est tellement vieillot. C'est tellement 2011. C'est tellement 2011. Mais tu sais, c'est parce qu'on parle tellement dans le futur et on regarde tellement vers l'avenir, la voiture électrique, les hybrides, c'est tellement ce vers quoi on veut s'en aller. Puis il y a des projets tellement intéressants que de parler d'une voiture 2013 à gaz, c'est presque, tu sais, c'est presque pas tentant. Mais on va quand même passer à travers. C'est la nouvelle Civic qui, semblerait-il, sera redessinée. Ouais, Honda a eu beaucoup de critiques quand ils ont sorti le dernier remodelage de la Civic. Le monde les a traités un peu de paresseux. Ils n'ont pas fait vraiment beaucoup de changements. Puis l'intérieur a écopé aussi. L'intérieur n'était pas tellement de haute qualité. Fait que les magazines et même le grand magazine Consumer Report aux États-Unis qui a dit au monde, ben achetez pas la Honda Civic, ça vaut pas la peine. C'est pas la voiture que c'était. Donc Honda qui aurait resté surpris par ça, puis ont décidé pour 2013 de la redessiner. Donc, ça va ressembler beaucoup plus à, si vous avez vu la nouvelle Accord, ça va ressembler plus à une petite Accord. Donc, c'est plus beau. La grille a été changée. Ils ont vraiment refait l'extérieur pas mal. C'est pas complètement refait, mais ça c'est beaucoup amélioré. Puis, ils ont travaillé beaucoup sur l'intérieur aussi, même s'ils nous ont pas montré de photos encore. Ils ont dit qu'ils allaient la montrer au Salon de Los Angeles encore. Ça va être le gros salon Los Angeles, ça va être à vérifier là. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent là. Donc l'auto a un nouveau capot, des nouveaux phares, une nouvelle calandre. Donc ça devrait aider. Peut-être que ça va calmer un peu les critiques qui trouvaient qu'Honda était un peu paresseux. Mais faut pas t'oublier aussi, Jean-Benoît, Honda a une version hybride de la Civic. Ouais, ouais, je donc, sais. Donc, c'est pas juste un auto à gaz. je sais. Merci beaucoup, Luc. On se dit à la semaine prochaine. Merci, Jean-Benoît. Salut. Bye. C'était Luc Desormeaux avec son tour de l'actualité automobile. Comme on le disait, hein, on est tellement tourné maintenant vers les voitures électriques. C'est ça le futur et c'est ce qu'on met de l'avant aussi chez les constructeurs. Et tant mieux, on en a de besoin. Ça va tout simplement être meilleur pour l'environnement et c'est tant mieux ainsi. Alors c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir écouté et ne manquez pas le podcast régulier du podcast auto disponible sur iTunes et sur le site de Facteur Geek. Ne manquez pas aussi les critiques vidéo et les essais routiers du podcast auto disponibles sur YouTube ou encore sur le site de Facteur Geek ainsi que sur iTunes. Et ne manquez pas les chroniques que je fais avec mon ami Jean-Benoît Gagné tous les jeudis matins à CILE MF de Havre-Saint-Pierre aux alentours de 7h34. Donc, merci d'avoir téléchargé ce podcast et je vous dis à la prochaine.